You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and around the world at kfai.org. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Welcome, bienvenue sur Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Tonight is a pre-recorded show because we're busy, but it's a pre-recorded new show. In order to keep celebrating International Women's Month, we're gonna keep on playing songs by and about women fighting either for equal rights or parity or discrimination. So I hope you enjoy the show and the songs. Also, a little bit later, we're going to talk about the events happening in the Twin Cities, so stay tuned. We'll be back next week, live from Studio 4 on KFAI in Minneapolis, St. Paul, kfai.org, 90.3 FM. All the shows are archived, so if you miss it, you don't really miss it. You can catch up. If you are looking for all the shows, go to archive.org and search for Bonjour Minnesota. All the older shows since 2012 are archived there. Thank you to archive.org. And while you are on archive.org, you can also check out French and Fluency's radio show Therapy, which is a web show that I've been doing for quite some time now. So it's different from Bonjour Minnesota, and you may enjoy it. You can also follow up on social media, Facebook, Instagram, or send us email at bonjourminnesota@gmail.com and tell us what you'd like to listen and or what you like in general about our show. Allez, on y va? We're going to start with Lara Fabian with Féminicide. Then Trio with Féministe and Pierre Perret with La Femme Grillagée, like the woman encaged. Every 72 hours, secondo lo studio delle Nazioni Unite, il 58 en 2019, entre 42 et 142 femmes de ces ressources ont été tuées par leurs compagnons. Every 72 hours, 161 meurtres en 2018. Pas des chiffres, mais de qui ont leur importance. C'est la question même des traitements médiatiques et politiques des meurtres de femmes qui est posée. Ce sera tout. règle, balance ton coin. C'est tout, mais pas moi. Les garçons se répètent 100 fois cette phrase-là. L'époque est tendue comme un string. Un genou à terre. Les garçons font de grands loopings. La tête à l'envers. Demain sera féministe. Superman change de disque. Macho du petit matin. Les garçons ne sont pas méchants. Navrés, navrants. Si on connaît pas bien les femmes, on ne sait pas bien faire. À trop jouer les Doberman, on part de travers. Demain sera féministe. Superman change de disque. Main dans la main de Pierre, Paul, Jacques, Bolsonaro, de l'autre et Candelo, concours de van à l'apéro, c'est le carnaval des machos. Pas misogyne, pas misandre, on se connaît par cœur. Les garçons veulent se faire comprendre avec des fleurs. Derrière le feu, les étincelles. Sentimentales attendent de nous les demoiselles. Un gentleman. Demain sera féministe. Superman change de disque. Sera féminin. Demain sera féministe. Superman change de disque. Main dans la main, demain sera féminin. Demain sera féministe. Superman change de disque. Chanson bien douce que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées. Obscurité. Elle ne prend jamais la parole en public, ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est grillagée, les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elles respectent la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité.

s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne veux plus bouger. Bonhomme et la bonne femme qui sont battus tous les deux à la guerre de la clôture en vieux sillé de bœuf. C'est le bonhomme qui a gagné, la bonne femme s'est mise à crier. Tout le monde s'est ramassé, puis la police est arrivée. Terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem, terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem. Le bonhomme Félix se bat avec la police. Il a pris la vieille jetée, il a envoyé se coucher. Il a pris le vieux Félix, il a mis sur son bestic. Il y a été condamné à 6 mois de pénitencier. Terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem, terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem. La bonne femme s'est ennuyée, elle pouvait plus chicaner. Elle allait voir son petit vieux tous les jours après le dîner. Elle lui emportait des pommes pour essayer à l'enjôler. Les petits vieux qui rancuniers voulaient pas lui pardonner. Terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem, dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem. Voilà le petit vieux malade, il fait venir sa bonne femme pour lui frotter les côtés avec du whisky camphré. Elle sort de sa sacoche un beau petit sac de brandy. Le petit vieux lui saute au cou, puis je te dis qu'il l'embrasse. Terlèrum dans les dulem, terlèrum dans les dulem, terlèrum des dulem dans les dulem, dans les dulem, terlèrum dans les dulem, terlèrum dans les dulem, terlèrum des dulem dans les dulem, dans les dulem. Le bonhomme est arrivé, il était encouragé. La bonne femme en le voyant, elle lui dit tu peux te pousser. Le petit vieux qu'avait en haut de la voix pour la caresser. La vieille pense plus à ça car son temps était passé. Terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem, dans les dulem, terlèbe dans les dulem, dans les dulem. It was Anne Sylvestre with La Vaisselle, then Une sorcière comme les autres, and then La Bolduc with Le Bonhomme et la Bonne Femme. Why underwrite with KFAI? Underwriting announcements provide 20 to 30 seconds for you to increase awareness of your business and reach KFAI's loyal and dedicated listenership. If you're interested in underwriting with KFAI, go to kfai.org/underwriting. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to Josette Noro with Wow Menopause. Wow Menopause is about the menopause. Then Jacqueline Valois with ovariotomy, where she has surgery to get rid of all of her parts and she finds all the advantages about it. And then Juliette with rime féminine. J'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai chaud, j'ai froid, je bouge, je suis marabout, je suis à bout, j'en perds des bouts. Woman, woman.

si votre race prend le cuisine, par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine. En Lumeur, en Gourgandine, en pitié même, en Juliette Nourédine. It was Josette Noro with War Menopause, then Jacqueline Valois with Ovariotomy, and then Juliette with Rime Féminine. Now we're going to listen to Anne Sylvestre et Pauline Julien with Non, tu n'as pas de nom, and it's regarding abortion. Then Francesca Soleville with Aujourd'hui les femmes, and then Barbara Pravi with La femme. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou un douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ça veut-il que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que ça veut-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Et me ferai pas paraître devant vos tables de la loi. Je serai ce que je veux être et je vivrai selon ma foi. Jamais je ne serai des vôtres, ni vos goûts, ni vos sentiments. Pour engluer vos serviteurs. Ma morale ouvre sur la joie, celle que j'aime partager. Je suis femme et c'est là ma voix de donner tout l'amour que j'ai. Nous avons tous nos privilèges, où le profit, nous l'amitié. Et pas les mêmes par moitié. Je répète que je suis femme. C'est cela qui me fait oser. Avouer ce que je proclame. C'est fini de nous amuser. Fini le temps de la détresse, l'air de la culpabilité. S'ouvre celle de la tendresse pour qui saura la vérité. Énormes sont nos exigences, marinées pendant tout ce temps, qu'aura duré notre allégeance à ceux qui règnent par l'argent. Voyez ces femmes que nous sommes, regardez-nous donc nous unir et lutter aux côtés des hommes pour le présent, pour l'avenir. Mon corps, mes jambes, mon dos, mes bras, mes mains, mes os, mes sangs, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe, ce que je fais de mes nuits, ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie, mes ambitions. Comment je recouvre ma chair, quel est le bruit de ma colère quand je dis non. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, main de flamme. Aucun des deux. La femme, la femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme? Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme? Mon bruit, ma sueur, mon goût, mes vies, mes morts et mes coups. Dedans, mes veines, le sang qui bout, mes rages, mes colères, mes dégoûts. Qu'on me demande sans cesse qui compose pour moi les mélodies que je fredonne. Comme si on n'était pas fini, comme s'il y avait toujours besoin d'un homme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme? Qui a décidé ce qu'est la femme? Mon corps plus ou moins beau, mes choix, mes règles, mes fardeaux, mes seins, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. qui a décidé ce qu'est la femme. Un bouton de rose en main de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. It was Pauline Julien with Anne Sylvestre with Non, tu n'as pas de nom. No, you don't have a name. Then Francesca Soleville with Aujourd'hui les femmes, Today's Woman. And Barbara Pravi with La femme or The Woman. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to Brigitte Bardot with Je me donne à qui me plaît. I give myself to whomever I want. Then France Gall with Laisse tomber les filles, or Girls Just Drop It. And then Michel Arnaud with Ne vous mariez pas les filles. Ladies, don't get married. Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qui n'a jamais bavé me jette le premier pavé. Je n'avais qu'un unique amour, celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'en porte pas plus bête, fini Roméo et Juliette. Je leur file un rencard là-bas, l'ombre du hangar où j'ai rangé mes poèmes, mes amours et ma bohème. Je les mets tous dans le même taco et bousculés par même KO. Ils s'y brisent le cœur et les reins, et moi je trouve ça. Passe un jour dans ma rue, peut-être que je t'en mettrai plein la vue. Mon piano donne sur la cour, t'entendras ma chanson d'amour. Et comme ça rien qu'en passant, tu seras un peu mon amant. T'auras le meilleur de moi-même, car je ne chante que ce que j'aime. Je le chante à qui me ça n'est jamais le même, mais quoi, faut avoir vécu sa vie. Non, je trouve que ça n'est pas si. Quoi? Laisse tomber les filles, un jour c'est c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre, il n'y aura personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là. Tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là. Tout ce que je te dis là. Un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au coin, l'air abruti de la sauce tomate sur son gilet. Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez pucelle chez votre papa. Élevez des singes, élevez des chats. Soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas les filles. Ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, rouge à lèvres sur le col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se pencher avec insistance sur une petite fleur d'innocence. Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala. Allez danser à l'Olympia. Changez l'amant quatre fois par mois. À la belle vie que ce sera. Si vous ne vous mariez pas les filles. Si vous ne vous mariez pas. It was Brigitte Bardot with Je me donne à qui me plaît. Then France Gall with Laisse tomber les filles. And Michel Arnaud with Ne vous mariez pas les filles. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. And now, we're going to talk about the events for the upcoming week and a little bit more. On Thursday, March 21st, at 7 p.m., Express Concert, Ravel's Le Tombeau de Couperin. It's going to be at the Temple Israel in Minneapolis. And it's by the St. Paul Chamber Orchestra. Then the next day, on Friday, March 22nd, between 7 and 8 p.m., the same concert, still by the St. Paul Chamber Orchestra, it's going to be at the Wayzata Community Church, located 125 Wayzata Boulevard East in Wayzata, Minnesota. And then on Saturday night, again the same concert, but this time at the St. Paul's United Church of Christ in St. Paul. You can find more about these events either on the Facebook page of the St. Paul Chamber Orchestra or on our Facebook page. The events are listed as well. On Thursday, March 28th, between 7 and 8:30 p.m., La Folk Soirée de l'Alliance, Petite Fest Nose. It's organized by the Alliance Française Minneapolis St. Paul, and it will be at the Alliance Française, so it's 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. More specific on their Facebook page, our Facebook page, or at afmsp.org. And the Folk Soirée is moving to Brittany for its third session. There's a small cost, so afmsp.org. Then on Friday, March 29th, at 6 p.m., Let's Dance Togo, Hommage en Musique. So it's at the Alliance Française, 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And there's a small fee for it. To register, you can go to afmsp.org. Then on Saturday, March 30th, between noon and 3 p.m., AFMSP Spring Open House. So the Alliance Française is going to do their open house, and you can go and visit and see what they have to offer. For more information, you can go to afmsp.org. On Sunday, March 31st, at 8 p.m., Kit Francescoli. He's touring North America for supporting his new album called Sunset Blue. He's going to be at the Fine Line. And you can get more information on our Facebook page, but also on the Facebook page of the Fine Line or First Avenue. He's an electronic artist in France, very popular. A lot of people like him. There's a mix of like singing and electronic that is very, very nice. And then the last but not least, on Thursday, April 4th at 6 p.m., exhibition opening, L'Étranger, The Outsider's Gaze by Melissa Sisk. It's going to be at the Alliance Française. It's the opening of her exposition that's going to last for a month. And you can get more information at afmsp.org. We also had the privilege to be able to interview Melissa and get some of her feedback and some of her background. So tune in for our interview on April 2nd on Bonjour Minnesota. Et voilà, that's it for now. But more next week. And back to the music. Now we're going to listen to a band we listened to about 2 weeks ago. And it's Famous T. And this time they're going to sing La Femme du Soldat Inconnu, The Wife of the Unknown Soldier. Then we're going to listen to Suzanne with Pendant 24 Heures. It's a duo with Grand Corps Malade. And they are swapping genders so they can experience each other's like good and bad. Then we're going to listen to Chila with Si J'étais un homme, If I Was a Man. Il est parti mourir, la tête dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes, ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme, ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi, bonne, bonne, désolée, je n'ai rien vu venir. Pourtant, mort aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots des confitures. Je l'ai fait de ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec une autre armure. Je l'ai fait traverser des landaux à toute heure. Y'a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. La vie que de la prendre, une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant, et c'était pas la fête tout le temps. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam. en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux, je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, eh ben, t'es plus payé. Je sortirai en juste quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton port. Pour me mettre à l'aise, sans coca, sans glaçon, comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille, mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur. Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi. Je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. Le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles et les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor. J'pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, à gna gna de mes deux. J'dirais bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux. Dealer l'augmentation sans dîner amoureux. Devant ma PS4 pendant que ma meuf plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match. J'pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine. C'est l'avantage de la physiologie masculine. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe.

She's standing at the station now. Raindrops falling faster down to her neck. She drives me mad, this power in the night. Your eyes, your eyes are catching mine. Magic is all around. Your female power. La plus puissante des femmes, c'est toi. Just closer. Quand je dors, tu danses pour moi. Come closer. Commence l'hypnose de la princesse en bas. Il y a un je ne sais quoi qui me traverse. Une tempête que ce je ne sais quoi qui me transperce. Shines like magic lights. It's like a wonder how our body's on fire. I can't find words for these feelings. You're flowing like breeze. La plus puissante des femmes. La plus puissante des femmes, c'est toi. Come closer. Tu as le pouvoir des montagnes, Sarah. Just closer. Quand je dors, tu danses pour moi. Come closer. Commence l'hypnose de la princesse en bas. Il y a un je ne sais quoi qui me traverse. Une tempête que je ne sais quoi qui me transperce. Une tonne de cœur. À qui l'on fait subir des peines sans droit. On le sait vivre avec, mais peux-tu vivre sans elle? Sont comme une rose sans couleur ou un oiseau sans ailes. On n'y comprend rien, même en changeant d'angle de vue. Le mystère féminin serait-il notre mystère le plus connu? Il est facile de séduire et de rendre une femme amoureuse. Mais comment se conduire quand tu veux rendre une femme heureuse? Démons sans pensée et des rancunes inavouées. La femme a ses raisons du cœur qu'on ne saisit jamais. Yeah. Mais on attend tout d'elle. Alors notre vie à deux aboutit souvent à un duel. On rêve de ne faire qu'un, mais la question c'est lequel. Depuis quand l'égoïsme peut se conjuguer au pluriel. La femme est surprenante, même son silence est un cri. En plus de l'écouter, on devrait deviner ses non-dits. Nous sommes séparés comme les sentiments et l'esprit. Mais au fond nous sommes liés, je dirais, comme le jour et la nuit. Nous sommes condamnés à accepter les compromis. Même si c'est se contenter de la moitié de ce qu'on s'est promis. Loin de l'insouciance et de l'ignorance des premiers jours. Sur les routes de la différence, on peut encore croiser l'amour. Yeah. You will never know. It was Lamb with Si les femmes menaient le monde, then Mudoid with Puissance Femme featuring Stéphanie Lange, and Kerry James featuring Imani with Le Mystère Féminin. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m., 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Billy the Kick with Quelques mots pour calmer les machos, A few words to calm down the machos, then Kenza Farah with Photo, and Brigitte with Pluriel, and It's Alive. Quelques mots pour calmer les machos. Quelques mots pour calmer les machos. Oh, oh, oh, oh. Quelle est la différence entre un homme et une prison? Dans une prison, il y a des cellules grises. Ok. Comment appelle-t-on un homme qui a perdu son intelligence? Quelques mots pour calmer les machos. Quelques Sous-titrage Société Radio-Canada. It was Billy the Kick with Quelques mots pour calmer les machos, then Kenza Farah with Photo, and Brigitte with Pluriel. Plural. Now we're going to listen to Linda Lemay with La Femme Chauve-Souris, the Batwoman, then Véronique Sanson with Féminin, Feminine, and France Gall with Résiste, or Résist. La vieillesse est bien un naufrage. On accumule sa cargaison et on s'échoue quand sonne l'âge. Avec le temps va tout s'en va, surtout le tonus musculaire. Bonjour les longues manches sur les bras, même en saison caniculaire. La loi de la gravitation, je la déteste comme c'est pas permis. Et ben voilà ma punition, je suis devenue la femme chauve-souris. Mais moi je t'aime comme ça, dit la voix derrière moi. Je m'en fous comment tu te vois, t'es ma petite chauve-souris à moi. Ça ne me fait pas un seul pli, ou plutôt si, ça en fait plein. Quand je m'assois, quand je souris, ou quand je fais absolument rien. Je fais mon âge un peu trop bien, c'est indubitable, je vieillis. Vos doux mensonges n'y feront rien. Arrêtez vos flagorneries. Je plisse de partout, je suis toute molle. Je me sens cuite comme une vieille nouille. J'ai les dessous de bras en peau de girole. J'ai l'épiderme qui pendouille. Je suis déguisée façon Batman, sauf que le costume est naturel. Il m'a poussé une paire de palmes inattendues sous les aisselles. Mais moi je t'aime comme ça, dit la voix derrière moi. Je m'en fous comment tu te vois, t'es ma petite chauve-souris à moi. Y'a plus de crème pour les gerçures au bout du 50e janvier. Y'a trop d'histoire dans ma figure, j'ai la face en lettres rattachées. C'est un vrai labyrinthe pour mes larmes. Je vais sur eBay voir les burkas. Mes robes ressemblent à des soutanes, mais je suis fripée même sur les doigts. Fermer boutique, c'est officiel. L'atelier de reproduction n'embauchera plus rien qui s'appelle procréateur ou étalon. 50 est un beau chiffre rond, un qui sonne bien, qui en impose. Mais c'est quand même un chiffre à la con qui veut juste dire que l'on se nécrose. Mais moi je t'aime comme ça, dit la voix derrière moi. Je m'en fous comment tu te vois, t'es ma petite chauve-souris à moi. C'est bon, ça m'encourage, au fond de moi je souris. Je rêve encore à mon âge d'être la plus belle des femmes chauves-souris. Féminin.

It was Linda Lemay with La Femme Chauve-Souris, Véronique Sanson with Féminin, and France Gall with Résist. Now we're going to listen to Les Soignantes. It's the name of the band, called The Healers. And the name of the song is Une Femme, a Woman. Then Julie Pietri with Être une Femme, To Be a Woman. And Sandrine Kiberlin with M'envoyer des fleurs, sending flowers to myself, where she's not satisfied with relationships and she's decided to pamper herself. Moi je veux encore tout donner, recevoir l'amour et l'espoir sans rien calculer. Moi je veux encore émouvoir, accepter les craintes, les journaux et les allégés. Je veux vivre fort, être moi et une autre, car personne ne devra jamais me juger. Je sais avoir tort, être reine ou soldat, c'est tout ça qu'il y a dans la réalité. De vouloir soulager ceux qui entrent mal. J'ai ce tourbillon, des histoires dans mes veines qui me donnent une force qui n'a pas d'égal. Est-ce une illusion de vouloir être forte, être faible, conjuguer les virées, les larmes? Chanter des chansons, des pouvoirs comme ce soir, sentir en moi brûler la flamme. Avec tous ces dans un monde papier glacé, bien sourire et se taire, rester trois pas en arrière. Il faudrait obéir, femme du monde ou bien pire. Y a-t-il sous d'autres latitudes une ultra-moderne attitude? Une ultra-moderne attitude. Pas plié, être fort. n'est pas négociable, ni victime, ni coupable. Mettez-nous hors la loi pour tous nos éclats de voix. Peu importe nos larmes ou nos concours de charme, dans ce grand bal qui se vit cache, on veut du bruit et puis des flashs. On veut du bruit et puis des flashs. Être femme, c'est résister. Cœur battant, poing serré. Être femme, c'est résister. Libre de la Les Soignantes with Une Femme, then Julie Pietri with Être Femme, and Sandrine Kiberlin with M'envoyer des fleurs. Et voilà, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Continuez à écouter Bonjour Minnesota on KFAI Radio, and the show is being archived and you can listen to it up to 2 weeks. Check it out on KFAI.org. Look for the program Bonjour Minnesota. Thank you for those who listen to us and we'll be there next week.